sont les meilleures équipes. Cindy a le best Mannschaft. The main event. Die meisten, die besten, les meilleures équipes. The champions, die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions. C'est bonjour, chers amis, chers auditeurs, et bienvenue pour ce nouveau numéro de Débattons d'Anguirou, que nous avons choisi cette semaine de consacrer au pinard et à la piquette. Alors juste après les vendanges et pendant le mois de novembre, le mois donc du Beaujolais, et toujours friand des plus belles piquettes footballistiques, le dispositif des BDGR ne pouvait pas passer à côté de la question du ballon de rouge au ballon de foot, de la piquette à la piquette. Nous allons tenter aujourd'hui, chers auditeurs, d'éclaircir cette connivence lexicale entre deux de nos plus belles passions. Et pour cela, le dispositif s'est employé, chers auditeurs. Notamment vous, cher docteur, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Manuel, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Vous reviendrez un petit peu plus tard dans votre fameuse chronique sur la belle histoire de la piquette footballistique. Bien sûr, une histoire comparée, comme vous l'avez si bien présenté, de la piquette footballistique et de la piquette viticole. Nous déplorons aujourd'hui l'absence de Dondé, qui est parti en reportage. Par contre, on récupère Coach Luc, que nos auditeurs connaissent bien. Coach Luc qui va être, mon cher Brett, dans une position particulière aujourd'hui. Et ça vous donne l'occasion de nous parler du match que nous allons commenter. Et bien sûr Manuel, bonsoir. Bonsoir à tous, chères auditrices et auditeurs. Bonsoir à notre invité Jean-Pierre. Ce soir, le match est un match un petit peu particulier qui aura lieu en direct du stade de la Rouste de Lorient, où nous retrouverons donc Magic aux commentaires et Coach Luc spécialement sur place, parce que les deux équipes qui s'affrontent ce soir dans ce qu'on appelle le derby de Boisson, le derby de Genève, entre la Carpette de Genève et le Piquette de Genève, pardon, dit les Vendangeurs masqués. Et il faut savoir que le club du Carpette de Genève est entraîné par notre Coach Luc. Notre fameux Coach Luc qu'on va retrouver en même temps que Magic tout au long de cette émission. Mais bien sûr, Débattons d'Anguirou ne saurait traiter un sujet complètement sans l'apport d'un invité prestigieux. Et aujourd'hui, quel invité, mes aïeux, un des plus grands sommeliers que le monde ait jamais porté. Son nom Mignot, son prénom Jean-Pierre Mignot, bonjour. Bonjour. Mais grand, 1m80 sans les bottes, hein, c'est pas très... C'est quand même pas si mal, Jean-Pierre. D'où vous vient cette passion du vin? Quel a été le déclic? Je crois que c'est un vin en particulier. Avant d'arriver à ça, il y a eu... Vous savez, je suis une boule de flipper, moi j'ai jamais rien décidé. Et j'ai eu la chance d'avoir 2-3 pierres dans ma vie, des personnes qui ont reniflé ce que je pouvais ressentir pour le produit et qui m'ont orienté. Et grâce à ça, très vite, je suis rentré à la Tour d'Argent, ma première place en sommellerie à Paris. Et très vite, j'ai pleuré sur un pinard. C'était un Magnum de Calon-Ségur 59. C'est un cru classé de Saint-Julien. Et il y a un grand cœur rouge dessus, parce que ça appartenait au marquis de Ségur. Et il disait, mon domaine est à Lafitte, mais mon cœur est à Calon. C'est pour ça qu'il y a un gros cœur rouge. C'est beaucoup d'émotion. Paul Offion. Voilà. Et sinon, c'est ce que je souhaite évidemment à toute l'humanité, mais malheureusement, c'est un tout petit pourcentage de personnes qui a la chance de tomber carrément en symbiose avec ce pourquoi il est fait. Et voilà, c'est une grande chance que je remercie Bacchus d'en avoir profité. Aujourd'hui, Jean-Pierre, on va vous demander de lier votre métier à une autre de vos passions, qui est le football, en nous parlant de trois vins en particulier, qui pourraient être, a priori, trois joueurs ou trois postes football. Ouais. Mais avant cela, chers amis, chers auditeurs. On va laisser la parole à un petit mot, Jean-Pierre. En poste, mais t'as t'as raison de préciser le joueur, parce qu'avec Manu, on s'est dit sur les attaquants, il y a deux styles vraiment très typés d'attaquants. Il y en avait pris l'exemple de l'Irlandais, là, Cascarino, qui faisait 500 mètres dans le match et qui était toujours au bon endroit. Et de l'autre côté, Papinade. Et je vous ai trouvé une Papinade. Et un Cascarino. Superbe. On va voir ça. Oui, puisqu'il faut dire à nos auditeurs et auditrices que Jean-Pierre est venu avec des bouteilles, un crachoir et des verres. Ouais. Et pour comprendre aussi, il faudrait que les gens soient au courant du concept, comment je parle du vin pour me faire comprendre et pour que vous compreniez entre vous. C'est-à-dire que je parallélise le vin avec l'être humain, mais avant sa naissance et après sa mort. C'est-à-dire qu'on commence dans les 3 minutes qui suivent le Big Bang. Voilà. Donc il y a du boulot. On va voir ça. Docteur, à vous la parole pour votre chronique qui, me semble, va plutôt bien introduire cette émission. La piquette constitue l'un des plus épineux terrains de notre glorieuse histoire nationale. Elle illustre à elle seule la pourrie d'une notion de bon goût que l'on retrouve pourtant toujours avec délectation en portant au ballon rond nos lèvres. Elle révèle aussi l'usage inconsidéré et dévoyé d'un produit confinant à la coca des travailleurs boliviens, au cat des yéménites, voire à la patate des koulaks. Aussi véritable ciment des liens entre aficionados et désastreux praticiens, la piquette est le salaire de la peur des footballeurs. Nous nous bornerons ici à une brève histoire comparée des origines de cette bibine dont nous sommes si friands. Sa mise en parallèle systématique, avec quelques illustres raclés footballistiques, va en effet s'avérer riche en enseignements sur les arcanes de cette lutte des classes qui distingue une bonne vieille tease d'un grand cru. La piquette, c'est la médiocrité, rien de tel qu'une équipe de galactiques pour lui asséner une vérité dont elle ne se défend pourtant guère. Dans l'Antiquité déjà, quelques experts commerçants transalpins s'enrichissaient au détriment d'ignares élites gauloises par le biais du commerce de l'enivrant nectar. La piètre qualité des amphores retrouvées témoigne d'ailleurs de l'abus de confiance des Romains envers des tribus arvernes peu promptes à y déceler leurs maux de cheveux du lendemain. Bien avant que César n'affranchisse sa brue Picon, Rome avait planté son cep dans les coteaux hirsutes de ces vilains barbares. En leçon inaugurale de la planète football du début du précédent siècle, l'Italie rappelait son calcio au bon souvenir des autres prétendants inventeurs du sport moderne, écrasant la France 6-2 en 1910, 9-4 en 1920, 7-0 en 1925 et 5-0 en 1931. Il convient toutefois de rappeler qu'à cette époque où la Squadra Azzurra remportait 2 de ses 4 titres mondiaux, elle jouait le bras tendu. Jouissance, beuverie, droit de cuissage et épidémie d'ergot de seigle, propre à terroriser le châtelain y voyant jacquerie, autre temps que celui de la pucelle de France, dont l'histoire ne dit pas si son foie fut lui aussi exempté d'épreuves du feu. Est-il en effet besoin de rappeler l'intérêt de la perfide Albion pour le vignoble de Gironde, sa soif d'immonde piquette lui dictant jusqu'à s'exporter outre-Manche. Au final d'un combat de plus d'un siècle, la bière vainquit en Angleterre à la Pyrrhus. La piquette bordelaise s'attira, elle, le bénéfice quasi exclusif d'une gloriole nationale bien vite bradée. En brevetant le football, l'Anglais visait juste et infligeait à la France un score cumulé de 48-1 lors des 4 premières rencontres entre les deux équipes. L'histoire gagnait alors un territoire qui se voulait nation. Jacobins et Girondins s'écharpaient sur la question fédérale. Pourtant, à travers cette querelle du baril et du tonneau, le schisme alcoolique hexagonal pointait une fraise que l'on ne manquerait pas de retrouver dans les pratiques éthyliques d'une France divisée entre buveurs de bière au nord et amateurs de vin dans sa partie méridionale. Révolution industrielle, sport des masses, abrutissement collectif sous le sceau de la légalité, phylloxéra enfin. En 1907, près d'1 million de vignerons languedociens manifestent place de la Comédie. Le Midi Rouge s'ouvre les veines, déléguant son ambassadeur à Paris. Clémenceau cède, sans les formes. Piqué. Produire une sensation cuisante. En 2012, Montpellier est champion de France à la surprise générale, en écho de ce club des sommeliers de la capitale défait, déconfit. Les années 80 mettent, elles, la piquette sur la sellette. Les régions s'affirment, les barreaux locaux ont leur club, leur ville fanion. Tapis baise Bourgoin, derrière le vignoble, en sursis. 1982, Nantes-Bordeaux, derby Vie-Négrier, Giresse au goal 6-0, chant du signe du gros plan. Saison 90-91, JPP en plante 4 à Lyon, 7-0, Beaujolais enterré, croit-on. Aujourd'hui, les bars à vin triomphent du bon vieux ballon, les vendangeurs trinquent. Mais la piquette est un esprit, irréductible, elle renaît de son marc. Chaque dimanche matin, c'est pour sa villageoise que le foot monte au créneau. Pour elle qu'il s'envoie, qu'il joue du coude, qu'il s'empourpre. Et une fois la messe dite, qu'il explose sa 205 dans une vigne cramoisie. Bravo docteur, magnifique chronique, on voit maintenant bien ce qu'est une belle piquette en football. J'avais envie, mon cher Brett, de poser la question à notre invité, savoir ce qu'était une piquette en pinard. Alors la piquette, on part du terme piqué. Alors déjà il faut être précis, j'entends des fois quand je fais goûter des vins, ça pique. Ça me fait penser à celui qui faisait le sketch, là j'ai bu du champagne, ça pique. Alors c'est les bulles qui piquent. C'est-à-dire le gaz carbonique. Et souvent, dans les vins, je travaille qu'avec des vins propres, c'est-à-dire des qu'on dit maintenant des vins naturels. Moi, j'appelle ça les vins normaux. C'est-à-dire qu'on met pas de chimique, ni dans la terre, ni sur la plante, ni dans la cave. Et donc, la piquette, si vous voulez, le piquant, c'est le gaz carbonique qu'on laisse dans ces vins pour la protection. Parce qu'ils ont pas de protection chimique. Donc, comme le carbonique est plus lourd que l'oxygène, on laisse toujours beaucoup de carbo. Et la piquette, historiquement, c'est quelque chose de très rigolo. Moi, quand je buvais, que j'étais tout petit, vous voyez le résultat. C'est en fait, on mettait de l'eau une fois qu'on avait pressé le moût des vins rouges, on rajoutait du sucre et il sortait ce qu'on appelait la piquette. C'était un rouge très, très, très léger. On voyait presque à travers et ça piquait. Il y avait du gaz carbonique. Il y avait déjà un petit peu de côté acécence. Alors, la vraie piqûre du vin, une piqûre, quand on dit un vin est piqué, c'est l'acécence, l'acétique. L'acétique, c'est le vinaigre. Ça commence par l'acidité volatile et ça se développe d'une manière irréductible. On ne peut pas l'arrêter à part des grosses doses de soufre, c'est-à-dire d'un anhydride sulfureux, le machin qui vous met la barre le matin sur la tranche. Donc quand il vaut mieux éviter ce genre de produit. Donc il n'y a plus pratiquement de piquettes en France, c'est carrément exclu. C'était un truc paysan, hein, c'était pas vendu dans le commerce, absolument pas, hein, voilà. Donc faites bien attention à la différence entre piquer, la présence de gaz carbonique, qu'on a l'impression qu'il y a des milliers de petites piqûres sur la langue très délicates, et le piquer de l'acécence du vinaigre, qui n'a rien à voir, hein, quelque chose de très désagréable, et là, bon, mais on jette. Merci Jean-Pierre pour cette explication. On va vous laisser préparer votre premier vin. On va bien sûr y goûter dans très peu de temps. Mais Brett, c'est l'heure de retrouver Magic au stade, je crois bien. Ben oui, on va aller chercher Magic au stade. Alors, dernière nouvelle, ben, il n'y en a pas. Alors, on espère que tout va bien pour ce match qui oppose le Carpet de Genève, entraîné par le coach Luc, et le Piquet de Genève, donc ce derby de boisson. Magic, est-ce que vous nous recevez au stade? Oh, doucement, doucement, j'entends, ça va, pas la peine de crier, mon ami. Je descends. Oh, on est où, là? C'est quoi, cette histoire? On n'est pas au stade de la Rousse de Lorient, là, non? Hein? Quoi, comment? Ça dépend pour qui, le stade de la Rousse? Ah ouais, c'est vrai. Et t'inquiète, mon ami, j'allais pas te poser une galette dans le taxi. J'ai la tronche d'un breton, peut-être. Je suis beurré, il est vrai. Je suis bien tartiné. Mais me prends pas pour un couillon, man. Hein. Ça va. Tout va bien, l'ami. Tout va bien. Allez, faut que je file, l'ami. J'ai un match à me farcir, moi. Où qu'il est, ce stade de la Rousse de Lorient. Allez, on se lève le fut. Contre-attaque. On verse la dépense adverse. Le Magic en tête qui prend les chopes en main. Vous allez boire ce que vous allez boire. Vous allez le siffler, ce match de galère. Je lâche pas le morceau, je vais vous le verser dans les esgourdes, moi, jusqu'à plus soif. Magic, si vous nous entendez, vous êtes à la bourre. On vous rappelle qu'il y a l'équipe de coach Luc sur le terrain. Mais oui, bien sûr. Le Carpet de Genève, hein. Faut dire qu'il pleut des lances chez les Merlins. Écoutez, je ne vous promets rien, mais je viens de tomber sur une vieille canette de 8-6 qui n'attendait que moi. Tous les grands joueurs ont commencé par taper dans une canette. Au stade où j'en suis, ça fera bien l'affaire. 5e minute de jeu. Magic qui récupère la canette prise en tenaille entre deux barriques du Carpet déchaîné. Oh my god! Magic passe les outres et ouvre le score d'un élastico Conachao pour s'exciter les papilles. Et bim, direct dans la trachée. 1-0 pour Magic, tonique, monsieur. Et ce n'est qu'un début. 11e minute, la canette qui revient sur Magic excentré sur la droite de la route. Exter-inter sur la bordure, puis passement de jambes. Magic qui s'engouffre dans l'ouverture du goulot entre deux bagnoles. Coup du sombrero sur la Seat qui joue mal le coup. Et voilà qui s'ouvre les jambes du but. Un Château Lafitte 57. Eh, oh, il est en jet cuit là. Faudrait se le repasser au ralenti. Observez comme la gorge se dilate au passage du pinard divin. Et ça fait 2-0 dans la goulotte. 28e minute, sacré Magic, tout en jambes, la belle passe de Magic dans la profondeur du terroir, toute la verticalité du goudron dans les jambes de Magic, Magic tel l'oligo-élément du football qui fait corps avec sa canette, Magic qui se joue du retour de la vieille garde, du piquet de Genève, Magic fait sauter le bouchon défensif d'un Chambol Musini 75, et ça fait 3-0 dans la musette. 37e minute, bien que légèrement attaqué par l'équipe du Carpet, Magic a du nez et parvient à s'extirper du mou. Magic à l'entrée de la surface de réparation qui place un triple sec, ça siphonne les écluses de Martini, le gardien du Carpet qui constate les dégâts, le 4e but de la soirée pour Magic qui saoule de coups ses adversaires. Et 48e minute, après une mise au vert, bien mérité. Magic donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Magic qui emmène la canette au frontibus. Magic qui l'emmène au nazibus. Magic qui l'emmène au sexibus. Églou. Il est des nôtres. Il est des nôtres. Magic party. Eh oui. Magic assoiffé de vitesse. Il a déposé le milieu. Il a déposé la défense. Il a déposé Toni Kroos, Morito, Campbell, Fabio Contro, Cointro et Sagnol. Et il a tiré son but comme les autres d'une magistrale reprise de volée dans la lunette. Il est chaud, Magic. Il est costaud comme un Armagnac. Et il fait vivre un véritable calvaire à ses adversaires. 5-0 ici en direction du stade de la Rousse de Lorient. Waouh, j'ai l'impression, mon cher Brett, que Magic est lancé. Je ne sais pas si on aura un aperçu très complet du match. En tout cas, on a un aperçu très complet de l'état de Magic. De l'état de Magic. On espérait avoir une petite interview du coach au bord du terrain à la mi-temps, mais on le voit, le coach à la mine un peu déconfite sur le bord du terrain, sur nos écrans de contrôle. Bah, si Magic ne s'est pas trompé, le coach perd 5-0 à la mi-temps. 5-0. Pour l'équipe du coach, on le salue depuis le studio et on l'aura bien sûr pour la traditionnelle conférence de presse d'après match. Mais l'heure est grave maintenant, les verres sont pleins. Mignot a fait son office et il va s'agir, mon cher Brett, de découvrir un vin qui serait plutôt au milieu de terrain, je crois, pour ce tout à fait. La première question qu'on voulait vous poser, Jean-Pierre, c'était un vin qui pourrait correspondre au poste de milieu de terrain, poste de relayeur, donc qui serait un vin relayeur. Alors voilà, pour moi, le parallèle entre le vin et l'être humain, évidemment, c'est du velours là. Le relayeur sur le terrain, c'est celui qui distribue le jeu, enfin qui voit le jeu, qui distribue les cartes pour aller dans le sens du jeu, dans le sens évolutif, positif, c'est-à-dire vers l'avant. Mais on n'est pas obligé d'aller toujours vers l'avant pour avancer. C'est-à-dire que des fois, partir sur les côtés, c'est plus court qu'aller directement. Parce que s'il y a un mur en face, c'est pas la peine. Il vaut mieux faire le contour. On l'a vu avec la ligne Maginot. Donc, j'ai choisi un vin qui, justement, a une verticalité certaine de par sa naissance, puisque c'est sur du schiste vertical. Les strates ne sont pas horizontales géologiquement, elles sont verticales. Ça permet aux racines de profondir très, très, très loin dans la géologie. Et c'est un vin des PO, Pyrénées Orientales, ou Pays Oniriques, comme vous voulez, numéro 66, pour ceux qui veulent regarder sur le dictionnaire. C'est un macabeu, c'est-à-dire c'est un raisin vraiment très typique de la région, qu'on trouve très très peu en dehors, comme par exemple le Mourvèdre à Bandol, qui est le roi de l'appellation. On le trouve en dehors, mais d'une manière un petit peu sporadique. Alors qu'à Bandol, c'est boum, il est là, il est chez lui. Ben ce blanc que je vous fais goûter, c'est un blanc macabeu dans le coin. C'est un vin qui est fait par Jean-Philippe Padier à Calce. On est à peu près à trois quarts d'heure, une heure au-dessus de Perpignan, plein nord. Et c'est un vin que vous voyez, sa verticalité minérale n'est pas muselée. elle permet une certaine ouverture sur les côtés, justement. Quelque chose de plus étalé, plus ample. Quelque chose qui va justement faire le lien avec les différentes directions. Devant, sur les côtés. Derrière, on évite quand même, sinon on est un peu dans le caca. Vous avez goûté ? Tout à fait, Jean-Pierre. On a pris une première gorgée. À la vôtre, même. C'est joli, hein. Alors c'est salé, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le sel de la terre. Parce que la nourriture de la racine, pour les gens qui travaillent bien, c'est les oligo-éléments et les sels minéraux. Dans les sels minéraux, il y a sel et minéraux. Donc ça prouve bien que c'était une mer qui recouvrait tout ça. Et vous voyez là le parallèle entre le poste sur le terrain et l'effet que ça vous rend dans la conscience, dans le reçu de l'émotion, le mouvement. C'est-à-dire que le gars, il a une vision périphérique. C'est pas bloqué sur une seule direction. C'est ça pour moi la vision d'un vin relayeur. Et c'est un vin qui est naturel et qui a, à mes yeux, et a une vision assez facile de lecture pour permettre à un buveur amateur qui n'a jamais osé un petit peu se prendre des risques vers ce genre de vin. Et il est relayeur dans le sens où c'est un vin qui est très facile à comprendre et qui permet justement le passage d'un état d'esprit sur le traditionnel à l'ouverture des vins nature sans être effrayé par des odeurs bizarres ou une capacité à vous laisser un goût un petit peu particulier qui peut être dérangeant. Là, on a quelque chose de très complet, très ample, avec un équilibre parfait, une belle caillasse qui vient bien relever le peu d'acidité parce que là-bas, il pleut pas souvent. Et ça donne un ensemble de complexité et surtout de vision, de projection de vision. Enfin, je ne sais pas si vous le sentez comme ça. Quasiment. Docteur, un avis sur le vin qu'on goûte. Oui, effectivement, comme disait Jean-Pierre, on sent tout le zigzag qui règne dans ce vin, tous ces possibles en fait qui s'ouvrent. Ça nous rappelle que Zizou était par exemple un excellent relayeur aussi, hein. On n'oublie pas que voilà, il avait ce poste-là. Par contre, j'ai quand même une question sur l'origine du terme Maccabéou. Y a-t-il un rapport avec nos amis Maccabées, on rappelle hein, cette épopée hébraïque hein, des Maccabées, et voilà, qui sont tous morts finalement en résistant à certaines attaques. Est-ce qu'il y a une fin fatale avec ce Maccabée quand même, ce Maccabée? Non, le Maccabée est bien vivant grâce à lui. On arrache beaucoup de raisins en France, mais celui-ci est encore très protégé. Et un truc que je voulais préciser, le nom de la cuvée de ce vin, c'est le tourbillon de la vie. Tourbillon de la vie, c'est une phrase qui est prise dans la chanson de Julie Jim. Je ne sais pas, pour les plus jeunes, vous n'avez qu'à regarder sur l'appareil électronique. Merci Jean-Pierre pour ce premier vin, donc le vin relayeur. On va continuer un peu en musique avec nos amis de Postcoitum, le duo bien sûr marseillais, qui sort ces jours-ci son nouvel album, mon cher Brett. Fort bel album, un fort beau projet. Tout à fait. Après leur précédent Imera, qui avait déjà bien fait parler de lui et qui a bien fait tourner ce groupe qu'on aime beaucoup, en plus d'être des copains. Et ben là, il prépare un deuxième album avec un format un petit peu particulier, puisque c'est un album exclusivement numérique, c'est ça ? Pour l'instant, exclusivement numérique. On le trouve bien sûr à l'achat sur le site du label Dat Record. Et on va écouter tout de suite un morceau, un extrait du morceau. Je ne sais pas si on aura le temps de le passer en entier. Ce morceau s'appelle Deep Blue, sur l'album Learn to Be Me. Donc longue vie à Postcoitum bien sûr, et on peut d'ores et déjà signifier à nos auditeurs les rendez-vous du 20 novembre à la Friche pour le concert de lancement, on va dire, sur Marseille de cet album, et le 15 décembre à Paris dans un endroit qui s'appelle Petit Bain. On écoute donc Deep Blue. Et voilà, post-coitum, Deep Blue sur l'album Learn to Be Me. Je le répète, à l'achat sur le site du label That Record pour l'instant. On va retourner au stade pour voir où en est ce bon vieux Magic, mon cher Brett. Bah oui, on se fait un petit peu du souci pour Magic. Enfin, du souci, non, mais on aimerait savoir où est-ce qu'il en est, s'il est arrivé au stade. Magic, est-ce que vous êtes arrivé au stade désormais ? Comme dirait l'autre, un kilomètre à pied, ça s'use, un kilomètre à pied, ça s'use dans le gosier. Magic, il paraît qu'il se passe des choses ici au stade et que l'équipe du Carpet de Genève, dirigée par Coach Luc, est en train de se prendre une bonne vieille piquette. Alors, c'est 5-0 pifomètre. Voilà ce que je peux vous annoncer. Oh là, oh là là, le vilain zeste du japonais Mojito sur Ricardo. Et il lui a mis une bonne rasade dans la tête à Ricardo. Monsieur Merlot, l'arbitre qui l'a vu et qui siffle. Il a de la bouteille, cet arbitre, Monsieur Merlot, qui tend sa main vers la poche. Mojito qui le prend mal et qui s'énerve. L'arbitre qui hésite entre le jaune et le rouge. J'aurais pas hésité longtemps, moi. Sidi jaune sur jaune, rien ne bouge. Alors que le rouge, forcément, ça risque de faire tache sur le nippon. Le nippon, ni mauvais, ni bon. Depuis le commencement des hostilités, d'ailleurs, c'est le rouge pour Mojito. Il aura pas eu le temps de se graisser le toboggan cuit là, qu'il est déjà cuit dans le restant du match. Et ça fait mal, t'as. Ça fait très mal, t'as, l'équipe du Carpet de Genève. Déjà 5 shots encaissés pour les princes de la rouste. Et là, chers auditeurs, c'est un cabernet franc dangereux contre le Carpet de Genève. Cabernet franc pour l'équipe emmenée par l'excellent Lasland de Pomerol au 30 mètres face au tonneau du gardien martiniquais. Allez, messieurs les arsouilles, va falloir se sortir les doigts du cul fissa si on veut se déboucher la roteuse avant la mi-temps. Cabernet franc pour les vendangeurs. Le cabernet franc, oh, c'est mal tiré, ça. La tireuse a été mal graissée à l'entraînement. Ça mousse de partout, on y voit jager ici. Et c'est récupéré par Sagnol. Allez, Sagnol, faut y aller. Faut se jeter à l'eau, mon garçon. Faut nettoyer tout ça. Sagnol, Cussec qui remet une louche pour Campbell. Campbell sous, qui fait tourner le glaçon. Campbell qui fait la tournée des popotes de la défense. Campbell qui repique vers le bar du terrain. Et qui bascule à nouveau de l'autre godet du zinc pour Sagnol. Gérard Piquette, totalement imbibé par le pressing effectué par Kate Piquette, qui perd le glaçon. Mais ça revient sur Sagnol. Sagnol qui subit la pression de David Ngrog. Sagnol qui s'endort bien pour le coup. Alors que Fabio Cointreau propose une dissolution à 40 degrés. Mais Kate qui récupère le ballon, qui s'avance et qui resserre largement. Ngrog au point de penalty. Ngrog on the beach. Bloody Ngrog qui fusille Martini d'un pointu sec. Et le sixième shot, les amis, qui fait mouche. Tout sunrise à l'équipe des vendangeurs masqués ce soir. Mais que dire des errances d'une équipe du Carpet de Genève titubante, qui se fait beuger ce soir, qui a bien du mal à aligner deux phrases construites et qui se fait rincer à domicile par un clan assoiffé de victoire. Cointreau, n'en faut, mon bon coach Luc Cointreau, faut-il le répéter jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la dernière vidange, jusqu'à la lie. Avis à nos amis parieurs, c'est rôti pour la cote de Carpet ce soir. Ouf, et ben, on ne sait pas exactement si Magic est dans le bon stade. En tout cas, le match est commenté, le boulot est fait. Et toujours est-il que, visiblement, les affaires de l'équipe de Coach Luc, mon cher Brett, ne s'arrangent pas. Ça va très mal pour le Carpet de Genève, ouais. Alors, Jean-Pierre Mignot, on le rappelle, vous êtes l'invité de Débattons d'Anguirou spécial foot piquette aujourd'hui. Et après le vin relayeur, on va passer, je crois, au vin d'attaque. Alors, le vin d'attaque, ça a deux significations. Premièrement, c'est un peu comme le piquant. L'attaque, quand on dit qu'un vin attaque, c'est qu'il ne vous fait pas du bien, quoi. C'est rude sur la langue et c'est encore plus rude dans l'estomac. Donc, je ne pense pas qu'on va s'orienter. Moi, je n'ai pas ce genre de produit, franchement. Alors, l'autre pensée de l'attaque, c'est l'idée de performer, de la transportation, c'est-à-dire de passer une barrière qui normalement ne doit pas être passable. Il est là le rôle de l'attaquant. Alors on a discuté, on a dit qu'on avait deux styles d'attaquants très marqués. le gars qui a 40 ans de bouteille, c'est plus de la bouteille, là, c'est du magnum qu'il a. Et il court pas, le mec, il reste sur place, et il sait exactement où le ballon va tomber. Voilà, ça, c'est la grande classe des mecs fatigués. La feignasse. Mais la feignasse, géniale. Et l'autre attaquant, c'est évidemment celui qui a des jambes et qui te fait un coup de magie que t'as pas vu où il est passé le glaçon, comme il dit notre ami. Et on va faire justement de ce parallèle avec deux vins. Alors le premier, c'est un Bourgogne tout simple, générique, 2011, de ces Vincent Bachelet qui se trouve à Chassagne-Montrachet, dans la Côte de Beaune. Donc c'est du 100% chardonnay, qui est le seul raisin admis pour les grands vins blancs de Bourgogne. Ça, ce sera l'exemple plutôt de Cascarino, vous allez comprendre pourquoi. Et le second, on retourne dans les PO, hein, c'est quand même mon quartier d'élection actuellement. J'ai choisi une bouteille, de par sa constitution organoleptique, mais aussi par le nom de sa cuvée. Et quand on a parlé de Papin, je me rappelle le nom de la cuvée, ça s'appelle les quilles libres. Alors les quilles, c'est les bouteilles, mais c'est aussi les jambes. Mmh. Et on peut dire que Papin, il avait vraiment les jambes libres. Donc voilà, on va commencer par le premier, qui est un Bourgogne, qui est l'attaquant, si vous voulez, un peu fixe, quoi, un peu scotché sur le terrain. Mais avec beaucoup, beaucoup de réflexion avant de se placer justement où il se place. Et s'il donne deux coups de pied dans un ballon dans la soirée, c'est deux coups de pied qui atterriront dans le trou béant. À votre santé. Alors on sent ce vin. Ouais, il a un nez particulier. Vous qui avez alors un nez, c'est un Bourgogne classique, donc c'est quand même des vins qui sont faits pour le monde entier. Donc on a une classification très particulière qui nous vient des anglo-saxons, c'est le goût du bois. La barrique, au départ, le prof tout à l'heure parlait des Romains, ou même avant, mais l'amphore c'était bien, mais il ne faut quand même pas oublier que la barrique a été inventée par les Gaulois. Et il faut rendre à Jules ce qu'appartient à Brutus. Hein. Et le bois n'est pas là pour donner le goût du bois, il est là pour faire un échange oxygénique avec le vin. C'est pas le but de retrouver le bois, ça c'est pour les anglo-saxons, ils adorent ce coup de boisé. Et quand le tonneau est brûlé à l'intérieur, il y a un goût de toasting, c'est un peu le pain grillé. Alors voilà, là on a la constitution d'un vin plein de volume, de richesse, de gras, bien soutenu par un retour géologique, mais un vin statique. Voilà, c'est le cas de Cascarino, quoi. Le mec il bouge pas. Et on fait un essai à l'air dessus, on essaie de le bousculer un peu, mais c'est un vin qui bouge pas. Mais qui a une précision infernale. C'est-à-dire que vous savez exactement son équilibre et le placement, par exemple, c'est quand même la base du métier de sommelier, c'est de mettre un vin en rapport avec un plat. Et avec ce genre de vin, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, quoi. Il est tanké, il ne bouge pas, et il va mettre le coup de pied juste au millième de seconde qu'il faudra. Voilà. Alors, l'autre exemple de l'attaquant, c'est le Papinou. On a pris l'exemple de Papin, parce que c'est quand même un personnage marquant, autant physiquement que mentalement. Et il faut remarquer que les acrobaties qu'il nous faisait, on n'est pas prêt d'en revoir. Alors, ce que je vais vous faire goûter là, c'est voisin du précédent. C'est à Maury. Maury, donc toujours dans les Pyrénées-Orientales. Mais oubliez le Maury que vous connaissez d'une manière globale, qui est le vin rouge un peu cuit, l'apéritif. Non, c'est pas ça. Là, on est sur du vin blanc. Il y a aussi du macabeu dedans, mais il y a les deux autres raisins typiques du coin qui sont le grenache blanc et le grenache gris. Alors pourquoi j'ai choisi cette bouteille à faire goûter? Pour deux raisons. Pour son aspect, évidemment, organoleptique, c'est-à-dire, organoleptique, c'est ce que le corps humain va capter avec les cinq sens. Bon, il faut pas mal de sensibilité, hein, c'est sûr. Et la deuxième raison, c'est le nom de la cuvée. C'est un vin de chez Marc Barrio, donc à Maury, et ça s'appelle les quilles libres. La quille, dans notre métier, c'est la bouteille. Mais chez les footeux, les quilles, c'est les jambes. Et on peut dire que Papin, il avait les jambes libres. Voilà, goûtez ça. Vous allez vous apercevoir de la vitalité qu'a ce pinard. C'est absolument... C'est une pile atomique. Pa-pa-pa-pa. Mmh. C'est très différent, effectivement. Docteur. Ah, comme ça bouge, comme ça vivace. Hein ça, c'est un gamin dans la cour de l'école. Quoi. Il va du préau, allez, mi-ba. Et ça s'arrêtera pas. Ça. De réparation, ça. Ouais, ça c'est le renard. Tu parlais d'un renard qui boulague. Voilà, c'est vous voyez la différence d'état d'esprit entre deux vins. Il n'y a pas que le goût, les odeurs, le goût, tout ça, c'est bien. Mais ça percute les neurones. Faut quand même pas oublier. L'esprit dépasse la matière. Hein. C'est comparé à la fameuse phrase que la plume est plus forte que le fusil. Et on pense rarement à l'esprit. Bon, moi, c'est vrai que je me mets souvent à la place du produit. Mais moi, je suis content d'être dans cette quille. Putain. Vous vous rendez compte le potentiel qu'il a dedans? Là, il sort du massage, le mec. Il est en pleine vivacité. Hein. Vous avez vu la fraîcheur, la fringance, et pourtant la structure. C'est le mec qui fait 100 kilos, qui fait moins de 10 secondes au 100, ça. Ça court, ça arrache de l'herbe, quoi. Et il y a une clarté, une pureté. On sent que ça fait du bien quand vous l'avalez. Voilà, c'est un vin de santé. Voilà. Et c'est quand le mec, il met un but, putain, on est heureux. Et bien voilà, là, c'est pareil. C'est un vin qui vous rend heureux. Merci Jean-Pierre. Une petite transition musicale avant de retrouver Magic au stade. Très courte, on va écouter les amis de Dahu et Fernand Fernandez pour un morceau qui s'appelle Pornographie extraterrestre à l'ancienne. C'est la première piste du nouvel album de Dahu et Fernand Fernandez qu'on peut trouver d'ores et déjà en vinyle chez tous les bons disquaires et bons libraires. On écoute. C'était Dahu et Fernand Fernandez, on passe juste un court extrait parce qu'il faut qu'on avance dans cette émission. Il faut qu'on retrouve, je crois, ce pauvre beau Magic au stade. Dans quel état est-il, mon cher Brett? Magic, est-ce que vous êtes arrivé au stade cette fois-ci? Vous n'êtes pas au stade Geoffroy le Quichard? La bonne blague, cher Brett. Et la ligue du cul, vous la connaissez? Allons, cher Brett, c'est toute la Touraine qui va vous mettre en joue à force de blablayer des ballons de moraline aux auditeurs. Sachez que je fume les pouillés, moi, monsieur. Et si ça vous fait pas bandole, c'est pareil, hein. Magic, 7-0 quand même, ça va être dur à digérer pour le Carpet de Genève. Oh, coach Luc pourra toujours se réfugier derrière des faits de jeu comme cette bibine de Carlsberg-Yanker dans la surface qui fait penalty ou l'expulsion de Mojito à la 52e, mais... Mais la vérité est au fond du verre. Le résultat est absolument incontestable. Clairement incontestable. Le contenu n'était pas à la hauteur pour l'équipe du Carpet, cruellement à bout de souffle. Les joueurs n'avaient pas la fite, c'est tout. Rien dans les cuisses. Ils se sont fait fouler par les vendangeurs. Et à l'heure qu'il est, chers amis, je suis curieux d'entendre ce qui va nous éructer le coach Luc en circonférence de presse. Parce que va falloir en remettre une lichette, sinon ça va être dur à avaler tout ça. L'ambiance risque de tourner au vinaigre. Et demain matin, attention à la gueule de bois, hein. Parce que je vais vous servir un truc. Et c'est pas le Dondé qui rote et ses moulins à bière qui dira le contraire. Hein. Si le verre est dans le fruit, c'est toute la cuvée qui est pourrie, les amis. 20 diou, 100 diou, 1000 diou, il y a tout acheté. Pas de ces rougeaux à garder et toute cette salade ira au compost. Hein. Et moi, tout bourré que je suis... Pinté, rincé, je traverse la ville, un trou du cul pomerol, à mes risques et barils. J'enchaîne les ballons. 1, 2, 3, 4, je dribble gros rouge et petit con. Je tutoie les cidres. La brise marine me fouette le malbec. Je suis sans évin, sans guêve. Et pour atteindre ce fichu stade de la rouste et là, dans les effluves astringents de renvois aux 6 mètres, j'apprends pas que le coach Luc est en train de se faire beurrer la rondelle. Paré pour l'affinage, le tanin dans le pelouse. Prêt à se faire boucher le tonneau par une équipe de Zorro qui lui garnissent les filets. Oh, mon coach Luc, mon ogre des carpettes, mon ponce picrate chantre du beau gelé. Un gars charpenté comme vous se faire chambrer de la sorte. Oh, on déguste. Qu'est-ce qu'on déguste ? Sept pions dans la besace, ça vous file des vapeurs, ça bouchonne, ça oxyde, ça laisse du dépôt au fond de la caboche. Oh ! Mais c'est quand même plus... C'est même plus une piquette, c'est du torboyau. Faut du sang neuf, mon Lucho ! Du sang frais ! Faut retourner chez vous en Suisse, avec Sagnol ! Il connaît le chenin. On peut pas jouer comme ça, petit, mesquin, radin, courant bouche fermée. Oh, ça vendange, ça arrose les tribunes. Ça fille, ça fait la fine bouche, mais ça bouffe la feuille de match. Tu sais quoi ? Oh, mon coach Luc, vous me faites tourner en barrique, mais c'est à boire, c'est à boire, c'est à boire. Il me faut... Je peux pas finir sur une patte. Faut que je remonte sur le cheval. Je m'adhérisse, moi. Faut que je m'hydrate. C'est le bouquet, le pot pourri. Je me dessèche, les amis, là. J'ai la glotte comme un raisin sec. À vous, les studios. À vous, les amis. Je vous rends l'antenne. Ouais, papa... Magic, il va falloir qu'on le récupère, il va falloir qu'on envoie quelqu'un. C'est marrant parce que le shérif n'était pas avec lui pour commenter ce match et Magic a fait le boulot tout seul, hein, j'ai l'impression. Il a coulé. Comme quoi, sacré garde-fou que le shérif, hein, dont on pensait que... Et que c'était plutôt un entraînant. Et au final, bah non. C'est un paratonnerre. Ah ouais. Je vois sur nos écrans de contrôle que le coach serait prêt d'ores et déjà pour sa conférence de presse. Oh, très certainement que le Magic était à la bourre. Coach Luc est peut-être déjà en zone mixte pour la conférence. J'ai l'impression, hein, est-ce que vous nous entendez, coach votre impression sur ce match, qu'elle était difficile pour votre équipe, j'ai l'impression. Oui, bonsoir à tous. Alors 7-0, hein, c'est bien la preuve qu'il ne faut pas boire les pots de vin avant le match. Bon alors, plus sérieusement, hein, bonsoir. Je vais me contenter ce soir dans une conférence d'après-match, juste d'une déclaration. Hein. Je ne vais pas vous aider à alimenter les piquettes de journalistes que nous servent les médias. Je ne répondrai à aucune question car je ne me suis jamais remis en question en aucune circonstance et en aucune manière. Donc je ne vais pas commencer ce soir à cause d'un match Special One. Donc de toute façon, avec vous autres journalistes, hein, si t'as pas de millésime, t'es rien. Alors que ma conscience métaphysique me dicte vomito ergo sum, hein, je rote ma piquette donc je suis. Et je vous rappelle, on peut boire de tout, mais pas avec tout le monde. Et de toute façon, tout finit toujours à la pisse, hein, c'est ma philosophie, c'est mon cosmospleen. Donc c'est pour ça, c'est pourquoi ce soir mon équipe a naturellement sa place dans le désert de la piquette. Comme tout le monde en ce monde, hein, toujours une chose en même temps qu'une autre en tête qui trinque. Et à la fin, bien sûr, on en rigole de mordre la poussière et de boire son sang. Alors on n'a plus le temps hein, dans la traversée du désert de la piquette. La piquette, c'est un vin qui voit demain, mais pas plus loin. Rien à mettre hein, dans un sablier, le sablier marin tellement il est mouvant. Hein, c'est comme de rêver que l'on rêve dans un cauchemar. Je ne parlerai pas d'humiliation ce dimanche, ce serait de l'ignorance frigide et diffamatoire, car en réalité, le désert de la piquette est une chance existentielle. Personne ne m'y retrouvera. On est un tout seul comme on est un à 11, tous dans le même et chacun le sien. C'est le concept, c'est le bonheur originel de la piquette. Alors la défaillance de ce soir n'est pas une vue de l'esprit, 7-0. Il faut voir cela comme un sacrifice pop au dieu du football, hein, le rituel alchimique de la danse de la soif où l'on se disloque jusqu'au paradis extatique. Parce que le football ne doit jamais être rabaissé, un spectacle social et un acte économique. Si j'étais une chose, je serais la piquette. Si j'étais un animal, je serais la piquette. Si j'étais une plante, je serais la piquette. Si j'étais un pays, je serais la piquette. Si j'étais une œuvre d'art, je serais la piquette. Si j'étais une vertu, je serais la piquette. Vous avez compris. Et bien sûr, si j'étais une piquette, je serais un homme. La piquette est Dionysiaque du pauvre, une chimère aigre et magique. Elle parle aux égos fiévreux et pulsionnels, aux corps éphémères et singuliers, à la mémoire des sens. Elle n'est pas une de ces fleurs au fusil d'un nihilisme parfait et doctrinaire. Elle n'est pas non plus l'ivresse standard d'une jouissance normative. Elle brûle les yeux de ses reflets. Le prix à payer est un peu de foi pour ce charlatan d'instant présent qui coule sur la langue et soigne les nerfs. Alors on a pris une piquette, c'est vrai. Mais c'est pas le score qui compte, c'est la métaphore. L'ivresse de poésie plutôt que la compétition aux victoires abrutissantes comme des shots d'alcool fort. Better, stronger, faster, harder est l'expression d'un mal comptable. Le sport est un spectacle élastique, une épopée plastique, un art de l'adversité humaine. Avant de faire des brutes, avant de faire des gagneuses, faites des hommes. C'est mon credo de coach. Alors, on dit souvent, trop boire tue la soif. Ne jamais vouer sa vie au quantitatif bourgeois, mais ne jamais se complaindre à ne jamais goûter la vie sous prétexte d'attendre la bonne cam. Ni un diable, ni un dieu, l'homme vrai se torche de ses propres mains. Travailler son jeu revient alors à besogner son appétit avec authenticité et conscience. Et pour cela, la piquette est le meilleur des comédiens du monde. L'amour dans l'apparence, le miroir magique. Les réalités invisibles, l'orgie de l'imagination, la volupté fantôme. La piquette est vivante. C'est les délicieuses minutes, la béatitude passagère. C'est le petit prodige du vin de messe où tu trempes ton auréole pour te finir. Alors quand je verse mon ballon sur mes paupières, la piquette me donne le goût de l'infini. Qu'importe le mensonge des plus grosses liqueurs, pourvu qu'on ait l'ivresse. La piquette, elle ne s'essouffle jamais dans la traversée de son désert. Encore un petit coup dans la gueule, puis encore un petit, puis un autre, on s'envoie au loin. Le problème de nager dans la piquette est de suivre trop près, jusqu'à ne plus rien voir, jusqu'à tout oublier. Il n'y a plus rien partout que la piquette. On finit par être désorienté avec mal au crâne, trop de grammes dans la tête, trop de poids dans la défaite. Avec la piquette, on se suicide un peu tous les jours pour se sentir vivre. C'est comme boire la mer, plus tu la picoles, plus tu meurs de soif. La piquette, c'est comme se saouler en buvant ses larmes. Peu importe le vin, si on est heureux soi-même. Dans le désert de la piquette se trouve la vallée de la soif. Et tant qu'on a la soif, on a la rage de vivre. La piquette, c'est pas une idée, c'est une affaire de résistance et de rire. L'ivresse de la piquette, c'est toujours de l'ombre qui joue au soleil dans le désert. La piquette est une sorcière en robe de soufre, ça sent le miel et l'enfer tiède. La piquette sonne pour moi, la piquette résonne en nous, et en nous résonne le glas. Merci et à bientôt. Alors digne, un peu amer, peut-être un poil amer le coach, mais quand même extrêmement digne dans la défaite. Carbonique, très très beau texte de défaite. Vous savez perdre, coach Luc. Bravo, bravo. T'aurais pu finir par qui sonne le glass. Parce que le glass en English, c'est le verre. Et, je crois qu'il ne nous entend plus, il est déjà reparti dans le vestiaire. Il est déjà loin dans son désert de la piquette. Le coach, alors, pour terminer cette émission, deux choses. D'abord, le dernier vin préparé par notre ami et invité spécial de Débattons d'Anguirou, Jean-Pierre Mignot, qui sera le vin de garde. Mais pendant que Jean-Pierre vous prépare ce dernier breuvage, Brett, l'heure est grave, je crois qu'on peut diffuser un document sonore secret, pirate, on va dire, récupéré dans un bar suisse par, allez, on le dit, un ami, on va garder l'identité. Il faut taire le nom. Voilà, Samuel R. qui a récupéré cet enregistrement, et je vous lis le courrier qu'il a donné avec cette cassette. Le dialogue qui suit est un dialogue entre Michel Platini et Sepp Blatter dans une situation qui n'avantage ni l'un ni l'autre, s'agissant d'un moment de soûlerie dans quelques bars suisses mis sur écoute un samedi soir, à une époque où l'euro n'existait pas encore. Pourquoi le bar était-il sur écoute? On ne le saura jamais, mais on a une cassette qui pourrait bien lever un gros voile sur ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Michel et les ballons rouges. Pendant que Jean-Pierre prépare son dernier vin, je vous propose d'écouter ce document accablant pour nos amis de la FIFA. On pourrait parler d'une affaire FIFA Leaks, quasiment. Dites-le. Non mais tu vois, Michel, bon, découvre. C'est comme l'entraînement au foot. Si t'as pas la gagne, tu t'entraînes pour rien. Faut picoler en étant constructif, mon Michel. Je dis pas que t'as pas raison, Seb. Mais t'as pas tort non plus. C'est bon. Tu vois comment le foot de demain? D'abord, on n'a qu'à dire que t'es mon conseiller technique, hein. Conseiller technique du président de la Fédé, c'est pas beau ça? Là, on avance, tu vois. On te paie ce que tu veux pour les années qui viennent. Ce que je veux? Comment ça? On fait un contrat là tout de suite? Bon, ok, il y a le problème de l'euro, mais dans 10 ans, on calculera ta paye en euros. Mais en attendant, c'est des francs suisses, mon Michel. Ok, des francs suisses, dis pas de contrat, nada, mon Michel. Elle est pas belle, la vie, un soir de pluie, on refait le monde de la pelouse. Attends, Seb. Il y a combien de joueurs sur un terrain? Quoi? Mais t'as quoi, combien de joueurs? C'est quoi cette question? Non, mais réponds. Il y a combien de joueurs sur un terrain? T'es con ou quoi? Mais 22. Exactement, 22. C'est ça. Je veux dire, business, c'est un engagement plus important que de boire des coups à des kilomètres du terrain, tu vois. Il y a de la vie derrière, il y a la sueur des mecs, il y a des ménages, des marmots qui ont toute la foi, des supporters dans leurs yeux qui brillent. On peut pas jouer avec ça. Je peux pas être ton conseiller technique en claquant des doigts. Putain, Michel, mais tu me chiales les premières lignes d'un poème ou quoi? Elle est où ton problème qui te parle de claquer des doigts? On parle de s'enfiler des pintes, on parle efficacité, on parle business avec 22 joueurs en culotte courte, ok? On parle aussi du foot de demain. C'est tous les jours qu'on construit le foot de demain avec des pintes de bière et des ballons de rouge, mon Michel. Des pots de vin, quoi. Pots de vin? Ouais, des ballons de rouge, des pots de vin. Bah, je te prends au mot, tiens. Je te rémunère en pourboire. L'étymologie n'a aucun secret pour moi, mon petit père. Je te paie en verre de rouge. Exit le problème de la devise et de la métaphore qui fait jaser la justice. Trois caisses de Château Pétrus. C'est bon, ça? Ça dépend. Trois caisses de combien? Tu vois, Seb, toi aussi, tu minaudes, là, tu chipotes. Le foot de demain, on dira ce qu'on voudra, ça demande une précision qu'on n'a pas encore. Bon, ok, allez, va pour trois caisses de Château Pétrus par an, je ne sais pas combien. Je crois que c'est réglo. À l'amiable, à la cool. Ça m'aurait gêné, l'argent, tu vois. J'entends déjà les mauvaises langues dans 10 ans. Ouais, Platini, il a reçu une rémunération déloyale avec aucun contrat signé pour son poste de conseiller technique. Alors là, mes cocos, moi, j'ai déjà ma réplique. Non, les mecs, moi, j'ai été payé en bouteille de Pétrus. On a du goût, ou alors on reste un amateur de piquet toute sa vie. Allez, je t'en jette un dernier. Là, je t'aime, mon Michel. Bon, tu sais quoi, je commence à être un petit peu sacrément bourré là quand même. Je vais dire quoi à ma femme quand je vais rentrer? Oh, t'auras qu'à dire que tu fêtais la nomination de ton pote Michel à la présidence de la FIFA. T'es con, Michel. Bon, allez à la FIFA, t'es un ballon de rouge et 9 femmes. Allez, à tienne. Accablant, document accablant pour les hautes instances de la FIFA. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de cette table, mais on va être obligé de remettre ce document dans les mains de la justice, évidemment. Docteur, vous qui êtes tobiriste jusqu'au bout. Ah, bien sûr, oui. Non, je pense qu'il est de notre devoir, en tant que supporter et du bon Pinard, et du beau football, de porter ça devant la justice et de montrer au public ce qui se passe sous la table. Jean-Pierre, on a 2 minutes pour parler du Vanguard. Alors le Vanguard, c'était parti sur l'idée du gardien, hein, on est d'accord. Et tout à fait. Le poste qui n'a pas de réplique, c'est-à-dire qu'après lui, il n'y a plus rien. Alors, je vous ai sorti un Pinard qui, pour moi, est le vin de... Bon, il y a le vin qui m'a fait démarrer dans le métier, qui m'a donné l'envie de faire ça. Mais ça, c'est le vin qui m'a donné envie d'aller dans les PO. Bon, il y a beaucoup de PO. Hein. Ça s'appelle Cours Toujours. C'est réalisé par Louis Crour et la famille, parce que tout le monde s'y met. C'est à Lansac. C'est un peu plus au-dessus dans la Caillasse, vers Saint-Paul-de-Fenouillé, là-bas. Et là-dedans, il y a un tout petit peu de Je cherche le nom du premier... En tout cas, le fenouil, on veut bien, mais le PO, attention en football, hein, mon cher. C'est quoi, Jean-Pierre? Les Pyrénées-Orientales. Ils sont plusieurs de Pyrénées. Voilà. Alors là, il y a un petit peu du raisin qu'on a goûté en premier, mais une toute petite partie. Et c'est pour montrer le parallèle, c'est que un tout petit pourcentage de quelque chose noyé dans l'ensemble, c'est souvent cette petite partie qui ressort. Le goal, c'est quoi? J'étais goal. Alors là, vous êtes bien tombé avant de partir sur l'athlétisme. Mais le goal, c'est un mec qui est tout seul, 98% du match. Il voit les choses, il lui faut des jumelles pour poursuivre le match. Et ce qui se passe, c'est que t'es isolé, il faut prendre conscience de ce cas. T'es le dernier rempart, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit passer, non pas salanté, il n'y a rien qui passe. Et voilà un vin, si vous le mettez au nez, vous allez voir, vous avez l'impression de mettre le nez sur une plaque de pierre, de roche. Il n'y a rien qui passe, c'est bloqué. Mettez le nez dessus. C'est des arômes brutaux, basiques. C'est un vin qu'on appelle fermé. C'est ça un vin de garde. C'est un vin qui aura une ouverture sur... à mon avis, il va se déclencher dans 5 à 10 ans, et dans 20 ans, ça sera une bombe. Et il ne passera rien entre-temps, parce qu'on est au rupteur. Il y a tellement de constructions, d'une architecture construite, structurée, que... on ne peut pas laisser passer quelque chose. C'est un vin, ce que j'appelle une pierre d'église. Ça peut durer très longtemps. Et quand je dis qu'il ne passe rien, c'est que même l'oxygène qu'on veut le faire traverser, il ne rentrera pas l'oxygène dans la cage. Le goal, pour moi, c'est ça, c'est un mur. Il doit avoir, comme dans les X-Men, la femme qui a le champ de force. Voilà, il étale son champ de force sur toute la surface des portes. Et ce vin-là, c'est pareil. Il bloque sur toute la surface, que ce soit au nez, en bouche ou mental. Vous l'avez mis en bouche ? Oui. Vous avez vu la structure, la construction, la profondeur qui est réalisée dans ces produits. Voilà, c'est un vin qui est bloqué, qui est sur lui. Et mais le petit millième de seconde qu'il faut pour l'appel du pied, pour partir dans le bon sens, il est là. Il a la répondance. Il a la structure mentale de la réflexion immédiate. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout à fait. Merci. Pour tenter la métaphore cycliste, tout de même, il me fait un peu penser à Bernard Hinault au blaireau. C'est-à-dire qu'il contrôle tout, il suffirait qu'il lève la jambe pour vous bloquer, en fait. Hein, comme le blaireau, un petit peu par son odeur. Voilà, même s'il est très bon, en tout cas, il est là. Il est là. Et un seul geste suffit. Un seul geste suffit. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Pierre Mignot. C'est un plaisir de vous faire plaisir. Cette émission des bâtons d'Anguirou touche à sa fin. Merci, docteur. Putain, c'est beau. De votre belle présence ce soir. Brett, merci à vous. Merci Manuel, merci Jean-Pierre beaucoup pour cette dégustation et cette découverte permanente. On salue de loin le coach et Magic, le pauvre Magic, je... Ouais. J'espère que quelqu'un le prend en charge là-bas. Peut-être le coach pourra le ramener dans sa fourgonnette. Si le coach n'est pas trop mauvais. On verra ça. On se quitte avec un tout petit extrait encore une fois. Juste, Jean-Pierre, j'aimerais vous remercier de m'avoir fait venir pour parler un petit peu de ce qui me touche personnellement et qui, j'espère, touche plein de gens. Et surtout, remercier les vignerons, les gens qui sont là toute l'année, par n'importe quel temps, et qui ont un respect énorme pour ceux qui les environnent, c'est-à-dire le sol, le vivant hors sol, le vivant de qu'on ne voit pas dans les profondeurs. Si vous saviez les pollutions des couches néphréatiques, des choses comme ça. Et je remercie ces gens de faire ce travail et d'avoir le mental pour continuer à y croire. Et merci encore de m'avoir invité. Merci d'en faire le relais. Merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et on se quitte avec le groupe Aux Aux, qui sort lui aussi un album, le trio marseillais. Le morceau s'appelle Amaterasu. Amaterasu. Et on peut découvrir toute la tournée, les dates de la tournée du groupe Aux Aux sur auxaux.com. Bon dimanche.